Je ne peux pas me lasser, malgré la condition sodomite de ce monde, car je sais mon Rédempteur est vivant, celui qui m'a scellé par le Saint-Esprit, qui est ce message du dernier soir. Alléluia! Puisque les anges, je te donne ma louange, puisqu'un messager, je sonnerai ma trompette, oh oui, pour te louer. Je ne peux pas me lasser pour t'adorer, mon roi. Je ne peux pas me lasser pour te chanter, Jésus. Je ne peux pas me lasser pour chanter par l'agneau immolé. Je ne peux pas me lasser puisque les anges, je te donnais ma louange, plus qu'un messager, je sonnerai ma trompette, oh oui, pour te louer. Je ne peux pas me lasser pour t'adorer, mon roi. Je ne peux pas me lasser pour chanter gloire, alléluia. Je ne peux pas me lasser pour chanter gloire à l'agneau immolé. Je ne peux pas me lasser. Comme David, je jouerai de l'harpe. Comme Josué, je sonnerai la trompette de Dieu d'Israël et mon Dieu, oui. Je ne peux pas me lasser de dire amen à sa parole. Je ne peux pas me lasser de croire à ce message du temps du soir. Je ne peux pas me lasser pour prier par un alléluia. Je ne peux pas me lasser de dire amen à sa parole. Je ne peux pas me lasser. Même si le monde refuse de le louer, mais moi et mon zèle, je ferai bien du bout quand le Dieu d'Israël est mon Dieu, oui. Je ne peux pas me lasser de dire amen à sa parole. Je ne peux pas me lasser de croire à chaque promesse de sa parole. Je ne peux pas me lasser pour crier gloire, alléluia. Je ne peux pas me lasser de croire à ce message de l'Iézère. Je ne peux pas me lasser. Je me retrouve comme un homme qui fait un rêve et qui se retrouve dans son songe. T'es riche, oh mes amis, ne me réveille pas, laisse-moi continuer de rêver. Même si le monde refuse de le louer, mais moi et mon zèle, je ferai bien du bout quand le Dieu d'Israël est mon Dieu, oui. Je ne peux pas me lasser de dire amen à sa parole. Je ne peux pas me lasser de croire à ce message du temps du soir. Je ne peux pas me lasser de croire à ce message de l'Iézère. Je ne peux pas me lasser de chanter gloire, alléluia. Je ne peux pas me lasser de chanter gloire à l'agneau. Je ne peux pas me lasser.